Gilles m'assoit. La promesse est une dette. Lorraine et Yale. Canon. Ali m'assoit. Yasmine m'assoit. Divine m'assoit. Mariam m'assoit. Ndama Hussein. Moutoto Wangombe. Fidèle m'assoit. Mère Nenenzaya. Vieille Emanine à Brazzaville. DJ Socrate. Osiri. Akobo. Général GT. Jenny Kamara. Moussa. Niagado. Archevêque Lobobo. Yeba ke patience azali. Ndeko ya mama nangai. Yango nazwa comportement na ye ya kozela ko. Balobaka meilleur ami ya mwasi ezalaka mbongo. Je t'assure que nga naza exceptionnel. Je te dédie ma première phrase d'amour. Qui est je t'aime pour te prouver combien na lingako. Nino à pointe noire. Motema na nga ezalaka na posa kola na yo. Esika ozali nzoto na ezoboya. Aminata maso. Motema na nga ezali mbeto bolingo na yo. Ostetika livide. Bangungi bazangi bilei. Belle Fanny. Musika epai ozali. Yeba ke bolingo na yo. Mama na ami. Esalema mpona nga maswa. Romi oyo. Léandre Kaba. Saddam Hussein Rami Amisi. Josephine maswa. Bolingo na yo echangeanga ekolo. Nakoma koyemba ntango nyonso na longwa mumbala. Nakoma musika na Jinsa na FIFA. Nakenda munda koteka annulaire na ngai ya lobokwa mwasi. Pour nous aller sous les canicités à Kobalana. Jean Bokoko. Carlos Mpinateli Mankenda. José Dikila. Motema na nga ezali. Beto bolingo na yo. Postetikali vide. Bangungi basangi bilei. Musika epai ozali. Yebake bolingo na yo. Esalema pona nga maswa. Papi kake la foudre. Sam Bouchana. Place 256 Charlie Lapage Pierre Petit Avienayer Christian Wami Mukenge Joe Tambani Maria da Silva Couple Ideal Nenette Mabaya Taille Olympique Yanni Mambik Impresario Kajo Malwa Magali Talo Mwasi Mokonzi Doré Milongi Amede Isongo Les sénateurs, c'est la gaille, c'est la gaille, c'est la gaille, c'est la gaille, c'est la gaille, c'est la gaille, c'est la gaille, c'est la gaille, c'est la gaille, c'est la gaille, la gaille, c'est la gaille, c'est la gaille, c'est Arbitre kangi ballon pa remarquer absence na yo na katia terrain yango bambanda batenga ba biebele Napoli 3-0 Jilma swa match sili Djibril ya mafulo Titika imbe affaire de millions Nadege Bianchou Lucien Issa Kalouke J'ai crié toute la nuit ba voce ba bona bangongo ya Patrick Bizima Soki osala ki pene na ngai maswa mbele na mona ki monstre te Angelou na ngai ya kolingo Pene na yo nasa sans souci Fidélité est amère Mais fruit nango ezalaka délice na zo c'est la toujours Audrey Kiala Papi Mayongo Clarisse Mokobe Zungira Bene Touloma Petit Papa London J'ai crié trop la minuit ba voce ba bona bango koya e Na bengi frosi luya abona ye koya e Na bengi kamba kabumbayi abona ye kozonga Ajalu la ngai ya kolingo Pene na yo na sasa susi na zozela toujours Raja Bundwani Ba oyo bakanisa ka bolingo ezalaka te ba kosana bango e Koye kwelinga esa nini Doto nange koma ya sanuku Sala mbango sove ngati Trezor kitemoko Jojo Ntumbai Osika kune payo sali Chiko mabili mame Chiko sana sako zela yo Jipe mingya Otana ka Sam, Tumbodo, président comme la ville. Bolingo sovenga sovenga sovenga mbukara tengana kukubanga yo baringa yo bimisinga yo maria matande yambi yerite mini mbongo taratanga nazimate kukwana mwagili mato yo bolinga bolinga tuja zara zazena yo amama no no no binwe mkini besino bilele amama no no no no no no begin wimba fudamu osika kune payo sali fanfa yusuf masana za kosela yo okolo kuzonga ese ngona nga eko zala loko la kofe yerite sangon akanye pose ya lopango namaboko moto ya mbongo yerite samanji si salama nga zongela nga yeso kazate na komba kai yolela Honorable Alpha Bokole Kala nazoku fapona jile maswa Ben Muyamba Motema na mamo bimba na pesa na yo Olingi yo salanga nini bolingo na esa na motema Tunaba masa na yo bakolo bandenge na linga kayo Mami free box Erike mbutu anjelo semani oya metiola Amede makenzi Alain Bwabwa, chronologie Blanchard Mabanza, Lipasa Bambongo millionnaire, Docteur Bohondo, Bichu Masinda, l'encadreur des jeunes, Tete Matovasi, Edith Edanga, les Bruxellois. Osika kune payo sali, Jimasona sa kosela yo,